Écoute. Le chouchou. Hey. La route paraît si longue, pas le temps de parade et on s'accroche à tout. S'amuse de croire en rien, donc on savoure la soupe à douce. C'est fou, ça me saoule, je l'avoue d'avance, c'est qu'il faut serrer les coudes. Un jour on verra loin, un jour on verra éclairer les routes. Hey. Perds pas le nord tant que flanche pas le sol, la tentation perd. Je pense qu'on s'obstine et qu'on cesse plus le temps de savoir quand faut qu'on se taise. Hey. Tu m'en kifferas à quoi, hein? Même dit loin, j'y vois clair. J'imagine qu'un jour, dit la croix qu'on porte, vienne à disparaître. Larme à l'œil, j'écris ces quelques phrases pour ces soirs où je m'avoue vaincu. Hey. Craser le bouton stop, ma grave convaincu. Trop s'insulte sans blague, dialogue dans suc et on chante en turc. À première vue on s'entend, pas 20 ans plus tard on s'entend plus. Hey, parle pas avec moi, j'ai rien à rendre, t'as peut-être de l'amour à donner. Apprends qu'en style là on t'oublie quand vient la nausée. J'suis porte-parole de quoi moi, ma rage me tient par le collier. Mon cas hurle, les chahutes et la nuit, genre d'arroseur arrosé. J'y vois plus quand tard le soir, j'vois la tasse au banc des accusés. Au fond des abusés, mes raclures parlent plus de s'amuser. Les cactus prolifèrent, sécher la période s'abuser. J'imagine pas la chance qu'on a, mais sans le plat des autres salivaient. J'y vois plus quand tard le soir, j'vois la tasse au banc des accusés. Au fond des abusés, mes raclures parlent plus de s'amuser. Les cactus prolifèrent, sécher la période s'abuser. J'imagine pas la chance qu'on a, mais sans le plat des autres salivaient. Du mal à parler, toute cette pression brûle les lèvres. J'cours après quoi moi, les saisons parlent d'elles-mêmes. Quelle énergumène, cours après le kawa, matinée de merde à tuer. De plus, m'activer muscle grave, à croire que j'aime rester sur le carreau, raturer page sur page. Ce qui m'anime m'enterre de suite après, ravive la flamme. L'amour n'est plus des nôtres, j'passerai pas la trentaine sans faire à cheval, puis sans faire abstraction du décor. J'arrive à me parler la nuit, aussi sincère sois-tu, où étais-tu quand sombre la mif. Entre ombre et lumière, on tamise la frappe, contamine l'asphalte. J'ai pris le temps de m'en vouloir pour me pardonner, car qu'on pratique ma saille, j'ai pas pris le temps de voir ce qui venait. Je fais le voyage seul, j'aime pas rire quand comme par magie je vois que mes craintes s'emparent de ma peur. Un con s'assagit, moi ça m'effraie, je resterai pas le petit con que j'ai connu. Qu'on s'asse tout petit en plein jour, change pas la face cachée de la couille. Cohésion stérile, suivre ou pas la masse. On nage pas dans les mêmes eaux, profondes ou calmes, on boit la tasse. J'y vois plus quand tard le soir, je vois la tasse au banc des accusés. Au fond des abusés, mes raclures parlent plus de s'amuser. Les cactus prolifèrent, sécher la période s'abuser. J'imagine pas la chance qu'on a, mais sur le plat des autres salivaient. J'y vois plus quand tard le soir, je vois la tasse au banc des accusés. Au fond des abusés, mes raclures parlent plus de s'amuser. Les cactus prolifèrent, sécher la période s'abuser. J'imagine pas la chance qu'on a, mais sur le plat des autres salivaient.